fréquente pas les machines à café, les bistrots de quartier ou les salons de thé. Ni les sorties de bal, car tout ceci